Assis d'avant, je fais ta main et je fais ce qui est caché. On ne reste pas de moi, on fait les yeux, on reste pas de moi, je parlais loin dans les yeux. Et si tu m'avais parlé de quelque chose, je m'arrête. Et si tu m'avais parlé de quelque chose, je m'arrête. Et ça m'avait glissé, je m'arrête. Et ça m'avait glissé, et c'est tombé, et glissé, et c'est tombé, et par terre, et c'est tombé, et par terre, et froid. Et je cherchais autre chose, et je cherchais autre chose, et je suis pas là, et je suis parti loin. Moi, je suis tout seul, et je ne m'arrête pas. Je suis tout seul, et je ne m'arrête pas. Qu'est-ce qui est dernier? Pourquoi tu ne réponds pas? Et encore loin, mais je parle encore loin, mais je ne sais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, Je ne devine pas, je devinerai. Si tu me dis pas, je ne devinerai. Je suis dans le soufre, dans le soufre et la poudre. Dans les herbes, c'est des choses qui rendent ça. Et j'ai une potion, et j'ai une coction, des champignons, je suis pas le pitié, je suis pas le delphes, je suis pas la tête dans le soufre, dans la pierre, dans la poudre, je suis pas la tête dans la pierre, je suis pas le pitié, je suis pas le delphes, je suis pas la pitié, je suis pas le delphes, je suis pas le pitié, je suis pas le delphes, je suis pas le pitié, je suis pas le delphes, je suis pas le pitié, je suis pas le delphes, je suis pas le pitié, je suis pas le delphes, je suis pas le pitié, je suis pas le delphes, je suis pas le pitié, je suis pas le delphes, je suis pas le pitié, je suis pas le delphes, je suis pas le pitié, je suis pas le delphes, je suis pas le pitié, je suis pas le delphes, je suis pas le pitié, je suis pas le delphes, je suis pas le pitié, je suis pas le delphes, je suis pas le pitié, je suis pas le delphes, je suis pas le pitié, je suis pas le delphes, je suis pas le pitié, je suis pas le delphes,